un rassemblement conjoint des militaires et citadins de la ville de Pyongyang pour célébrer la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. C'est tenu le 6 à divers endroits de la ville, comme la place Kim Il-sung et les places devant le monument aux idées du Jutsu, le monument à la fondation du parti, la maison de la culture 25 avril, l'arc de triomphe et le palais des sports de Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le sous-maréchal Fang Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, le premier ministre Park Bong-joon, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hye, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les officiels et travailleurs des établissements de tout échelon, des usines et des entreprises de la ville de Pyongyang, ainsi que les jeunes étudiants. Choi Ryong-hye a donné la lecture du communiqué de l'Académie des sciences de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée. Chang Chang-ha, directeur de l'Académie des sciences de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, a donné un discours. Il a dit que la grande réussite au lancement d'essai de la fusée balistique de type façon 14 est la manifestation de la vigueur héroïque et du potentiel inépuisable de la puissance Paektusan, un grand événement remarquable dans l'histoire de notre République et la grande victoire de tout le peuple coréen. Il a indiqué que tous les scientifiques, techniciens et cadres de l'Académie des sciences soutiendront fidèlement par des succès dans l'exploitation des armes plus sophistiquées et puissantes le dessein stratégique du parti décidé à anticiper la victoire finale du socialisme et la réunification de la patrie grâce à la force motrice de l'esprit de se renforcer soi-même. Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, le colonel général des forces terrestres Yoon Dong-hyun, vice-ministre des forces armées populaires, et Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse Kim Il-suniste et Kim Jong-liste, ont prononcé des allocutions. Ils ont félicité chaleureusement les scientifiques de la défense nationale qui ont fustigé les impérialistes américains arrogants et d'agités. Tous les militaires et civils sont tenus de garder au fond du cœur la grande fierté nationale de vivre dans le pays puissant qui possède la fusée balistique intercontinentale et de s'engager tous dans la marche pour un grand essor malima inspiré de l'esprit de se renforcer soi-même pour appliquer les décisions du 7e congrès du Parti du Travail de Corée afin d'opérer des nouveaux prodiges et innovations. Si jamais les impérialistes américains osent nous porter atteinte tant soit peu avec leurs provocations militaires insensées, l'armée populaire anéantira sans merci les troupes d'agression et réduira en cendres le territoire américain par l'attaque préemptive nucléaire à la Corée pour montrer au monde la fin lamentable des États-Unis. Les jeunes sont appelés à apprendre l'esprit et le style de travail des jeunes scientifiques et techniciens du secteur de l'industrie de guerre pour crier sans cesse les mythes des jeunes héros dans tous les secteurs de l'édification d'une puissance socialiste. Pour terminer, les orateurs ont invité tous à s'efforcer dynamiquement pour la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse, suivant la conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le rassemblement a été suivi des feux d'artifice éclatés dans le ciel de la capitale.